arrivée, pas de toxine, on peut y aller. Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h sur 89.4. Deux heures de son pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae, World. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Merci de votre fidélité à Virgin Radio One, Pop Rock 89.4 FM. Comme tous les dimanches de 18h à 20h, Sébastien Agasse aux manettes de votre rendez-vous dominical. Pas comme les autres, c'est Label Rock pour deux heures de musique. Et bah justement, pas comme les autres, hein. Beaucoup de nouveautés ce soir. Et puis on parlera évidemment de la fête de la musique qui va se dérouler dans la région à Rouen-Riorges. On parlera aussi d'un concert qui a lieu, et bah tiens, en ce moment, et puis qui va continuer ce soir du côté de la Bénisson Dieu. Et puis on va faire un petit coucou à la fête de la musique qui a eu lieu du côté de Mably. Ça s'est bien passé, le temps a été avec eux et j'espère que vous avez passé un agréable moment. On va commencer avec un autre hommage. Et je tiens à faire un petit coucou à ma collègue de travail, hein, Valérie, qui a passé un drôle de week-end avec des décisions qui ont été prises pas toujours évidentes. Alors je sais qu'on va pas rendre la situation triste, hein, puisque après tout on est là pour s'amuser jusqu'à 20h, mais un petit coucou et lui dire bon courage ainsi qu'à sa famille. Voilà, Label Rock donc jusqu'à 20h avec de la pop ce soir. Cause it's through your door. La pop australienne à l'honneur pour débuter ce programme Label Rock ce soir, en ce dimanche 13 juin. La pop de quatre garçons qui viennent de Brisbane en Australie et qui se font appeler Hungry Kids of Hungary. C'est un tout jeune groupe, hein, à peine 3 ans, qui a sorti quelques maxi et quelques singles en Australie. On vient de s'écouter Scat Diamonds, peut-être le single le plus commercial, avec des nouvelles, hein, sur l'internet pêchées comme ça. Premier album prévu pour Hungry Kids of Hungary avant la fin de l'année. Je vous le disais, ce soir on va beaucoup parler évidemment de la fête de la musique qui a commencé dans la région ce week-end, hein, avec la fête du côté de Mably. Ça va continuer avec fin de semaine du côté de Riorges et puis bien évidemment ce week-end du côté de Roanne. Puisqu'on parle de musique française, tiens, on va s'écouter maintenant un extrait du nouvel album des Français, Hey My My, le groupe qui s'est formé en 2005 à Paris, qui a sorti un premier album vraiment remarqué, c'était en 2007. Et puis cette année, en 2010, il y a quelques semaines, leur deuxième album, hein, qui vient de sortir, c'est sorti fin avril, un album intitulé Sudden Change of Mood, et un album qui porte décidément bien son nom, car on peut véritablement parler de changement d'humeur musicale pour le groupe parisien, puisque Hey My My s'éloigne de la folk pour se rapprocher d'une pop qu'on va dire plus énergique et plutôt versatile. Pas mal de morceaux qui font penser à Phoenix et je leur souhaite tout le succès du groupe versaillais. Je vous rappelle donc Sudden Change of Mood, disponible chez Sober et Gentle, distribué en France par Discographe, avec un extrait tout de suite de ce nouvel album donc de Hey My My. Ça s'appelle We're Not Meant to Last. You play back in your head all of what you said, but it doesn't make any sense. We're not made of glass, and your pain will pass. So let's not hold on to the past. We're not meant to last. La la la la. You feel the treason, but deep down you know where she lives, and she ain't got no time, she's committed no crime. Let's not hold on to the past. We're not meant to last. La la la la. La la la la la. Let's not hold on. Label Rock avec Sébastien Gass. Virgin Radio. Virgin Radio. À Roanne, 89.4. Coming or going, Début de programme résolument pop ce soir avec la pop française pour commencer des Parisiens et Hey My My dans ce programme sur Virgin Radio Rouen. L'album, je vous le rappelle, s'appelle A Sudden Change of Mood, disponible depuis quelques semaines grâce à Discographe et surtout le label Sober et Gentle. Et puis à l'instant, on était resté dans la pop douce, mais avec ce coup-ci une magnifique voix féminine, celle de l'ex-chanteuse d'Everything But The Girl, la bien nommée Tracy Thorn. Nouvel album disponible qui s'appelle Love and Its Opposite, disponible aussi sur le label Strange Feeling Records. Je vous rappelle que ce soir on fête la musique avec pas mal d'informations qui seront données sur et dans ce programme sur le 894. On y revient dans quelques instants, juste le temps de s'écouter toujours de la pop, hein, extrait du dernier album des frères Radar. L'album s'appelle The Illustrated Garden, c'est disponible sur le label Chemical Undergrounds. Le groupe, hein, toujours emmené par la magnifique voix de Jim Putnam, sixième album pour les Radar Brothers, est toujours la même qualité au final, c'est toujours aussi beau, toujours aussi illuminé. Overseas Warriors, la pop des Radar Brothers, groupe américain emmené par Jim Putnam, nouvel album, sixième album qui s'appelle The Illustrated Garden, une des belles révélations pop de l'année, ou confirmation, hein, quand on parle de sixième album, je pense qu'on ne parle plus de révélation, mais de confirmation. Si vous écoutez ce programme et que vous êtes en voiture, n'hésitez pas à faire un crochet par la bénisson Dieu, qui est à la fête aujourd'hui avec un concert qui a débuté d'ailleurs du côté côté de l'abbaye Saint-Dieu, hein, au théâtre de Verdure, près de l'abbaye. Ça a commencé à 18h, un groupe français qui s'appelle Rouennais, même, on va dire, qui s'appelle les Toupats, et ça continuera la fête ce soir. Je suis en train de regarder le ciel et je croise les doigts pour elle avec les Cagettes qui seront sur scène à partir de 20h. Tiens, pas du tout dans le même registre musical, plus bruyant, on va dire, plus noisy rock. Des Anglais qui se font appeler Blood Red Shoes, eux, ils ne seront pas ce soir du côté de la Bénisson Dieu, mais bientôt du côté de Villeurbanne. Extrait du dernier album des Blood Red Shoes. L'album s'appelle Fire Like This, un deuxième album pour ce groupe originaire de Brighton en Angleterre, composé de Steven Ansell et de Laura Marie Carter. L'album est disponible chez V2. Je vous rappelle que c'est distribué en France par Coopérative. Avec la bonne nouvelle, c'est qu'ils seront en France avec une tournée assez bizarre, hein, puisque ça sera en deux fois, deux tournées. Donc en gros, la première durant ce mois de juin, puisqu'on va les retrouver le 18 juin du côté de Villeurbanne. Ils feront partie du festival Les Invités de Villeurbanne, donc à Lyon, le 18 juin. Une semaine plus tard, on les retrouve dans la capitale du côté de Paris-Longchamp, puisqu'ils joueront au festival Solidays. Le 1er juillet, ils seront à Rouen aux Terrasses du Jeudi, et ils termineront avec une date plutôt sympathique, hein, du côté de Saint-Tropez au festival Plage du Rock. Ça sera le 8 juillet. Et puis je vous le disais, puisqu'on les aime bien en France et qu'ils aiment bien venir du côté de notre beau pays, les Blood Red Fat Shoes reviendront au mois de décembre avec trois dates. Le 4 décembre à la laiterie de Strasbourg, le 5 à la coopérative de mai du côté de Clermont-Ferrand et le 7 décembre ils seront du côté du Trabendo à Paris. Les Blood Red Shoes, donc l'album s'appelle Fire Like This. Plus calme maintenant, des Américains qui viennent de Portland aux États-Unis, ils se font appeler les Blitz and Trapper. Sébastien Gass. And fall. 18h30, j'espère que vous êtes cool comme ça, installé soit chez vous, alors chez des amis en train d'écouter la Belle Rock comme tous les dimanches, et que votre radio est donc bien calée sur le 894. Vous avez raison, franchement, il n'y a pas de mal à se faire du bien comme ça. Allez, un single chez Pressure Sounds, Wayne Smith's Dime, Time is a Moment in Space, c'est ce qu'on vient de s'écouter, hein. Un single produit par Prince Jamie. Et donc Wayne Smith, hein, un artiste jamaïcain qui a sorti quelques chansons cultes, hein, dans son pays d'origine, la Jamaïque, hein, des chansons qui ont toujours été faciles, pas faciles même, j'allais dire, et toujours recherchées par tous les fans de reggae. Bah, plus besoin de chercher bien loin, hein, pour ce titre Time is a Moment in Space, puisque le label Pressure Sounds a décidé de le ressortir du grenier, avec en prime sur ce 45 tours une version dub en face B. Wayne Smith, Time is a Moment in Space, c'est ce qu'on vient de s'écouter. Et puis juste avant, c'était 6 Américains de Portland aux États-Unis, signés chez Sub Pop, qui font du folk rock. Nouvel album qui a débarqué cette année sous le nom de Destroyer of the Void, toujours chez Sub Pop, distribué en France par Pias. On va repartir du côté de la France maintenant avec Sébastien Tellier, qui vient de sortir un CD de remix de son dernier album. L'album s'appelle Sexuality. Ils sont pas cassés la neune, hein, pour le titre, c'est Sexuality Remix. 15 titres remixés par des pointures telles que les Midnight Juggernauts, Sébastien, Breakbot et Arpanet. Tout de suite, ce qu'on s'écoute, ça s'appelle Kilometer. Ça sort le 28 juin chez Record Makers, avec une distribution assurée par Discographe. Et aux dernières nouvelles, sur son site MySpace, Sébastien Tellier qui va apparemment rentrer en studio pour enregistrer son 4e album. the summertime, trying hard with your summer clothes. You expected more, with your heart jumping in your chest, jumping in your chest, falling on the floor. You stay hidden in the shadows of the lane between the road and the old house. Lonely streets, let me run, let me run away from the burned house. Oh, in the fast lane we go. High life, knocking at my rappelle que vous écoutez Label Rock comme tous les dimanches sur le 89.4 Virgin Radio Rouen Pop Rock avec deux nouveautés françaises en ce dimanche 13 juin. Sébastien Tellier pour commencer, extrait de son nouvel album, un album de remix qui s'appelle Sexuality Remix. On vient de s'écouter Kilometer remixé par Arpanet et puis à l'instant une très belle nouveauté d'un groupe qu'on avait repéré du côté des mardis du Grand Marais, le groupe Seed Matters High Life. Premier extrait du nouvel album hein, qui va sortir le 30 août prochain. L'album s'appelle Brother Ocean. C'est un maxi 4 titres hein, disponible qu'on a reçu la semaine dernière. C'est disponible chez Because où on retrouve bah, bien évidemment le son folk rock hein, des 5 garçons qui constituent ce superbe groupe appelé Seed Matters. Les 5 garçons qui sont en train de sillonner actuellement la France depuis le 1er mai, ceci jusqu'au 12 juin prochain avec une tournée intitulée Balade sonore qui les emmène en formation acoustique aussi bien dans des chapelles que sur des péniches, dans des fermes ou des théâtres, hein, histoire de se réapproprier l'art de la scène. C'est ce qu'ils marquent sur leur site MySpace. Hein. D'ailleurs, ils étaient du côté de Fezin, juste après Lyon, c'était le 6 juin dernier. Je vous rappelle donc, nouvel album qui s'appelle Brother Ocean le 30 août et pour l'instant donc ce maxi, hein, 4 titres qui s'appelle High Life. On va parler fête de la musique, hein, maintenant. Je vais vous proposer quelques bons plans tout au long de cette émission. Tiens, on va partir du côté de Saint-Etienne pour commencer. Si vous êtes du côté de Saint-Etienne le lundi 21 juin, alors vous allez vous régaler. Comme vous pouvez l'imaginer, il y aura plusieurs scènes, hein, qui vont être déployées dans tout Saint-Etienne. Moi personnellement, il y en a une en particulier qui m'intéresse plus que les autres, c'est celle qui sera située sur la place Jean Jaurès. Place Jean Jaurès, c'est une scène qui s'appelle Talent d'ici, avec à partir de 18h30 du hip-hop. 19h30, Fisto sera sur scène pour du hip-hop. À 20h30, Altam, qu'on a vu d'ailleurs au Mardi du Grand Marais, pour de la chanson rock et un mélange de slam aussi. Et puis à 21h30, on retrouvera un groupe découverte au Printemps de Bourges 2010. Ils viennent de Saint-Etienne, ils s'appellent Arpad Flynn. Donc du côté de la place Jean Jaurès, le lundi 21 juin à partir de 21h30, Arpad Flynn. Et cette superbe scène va se terminer à 22h30 avec un groupe qu'on soutient beaucoup dans cette émission et que on a eu l'occasion de découvrir le dernier album. C'est Angel and the Hidden Tracks, pour de la pop oblique. C'est comme ça qu'ils définissent leur style musical. On va d'ailleurs s'écouter un extrait du dernier album d'Angel and the Hidden Tracks. Ça s'appelle Kira Number 2. L'album, lui, s'appelle The End. Je vous rappelle qu'il est disponible depuis quelques semaines et hautement recommandé. C'est sur le label toulousain qui s'appelle We Are Unique Records. Juste une dernière précision. À noter qu'ils le feront aussi le 21 juin, non seulement la fête de la musique à Saint-Etienne, mais ils se déplaceront aussi dans la soirée du côté de Lyon et qu'on les retrouvera au Festival des Nuits de Fourvière le 22 juillet avec Émilie Simon et Benjamin Biolay. On y va tout de suite donc. Angel and Hidden Tracks dans la Belle Rock sur le 89.4, ça s'appelle Kira Number 2. Kira Number 2, extrait du nouvel album de la pop oblique donc du groupe rouennais stéphanois, on va dire Angel and the Hidden Track. Je vous rappelle qu'ils seront donc en concert sur la scène Talent d'ici, place Jean Jaurès. Ça sera pour l'occasion de la fête de la musique évidemment, du côté de Saint-Étienne, lundi 21 juin. Revenons maintenant sur Rouen avec sa fête de la musique hein, qui va battre son plein du samedi 19 au lundi 21 juin, avec 4 scènes réparties tout, bah, partout un petit peu dans la ville. Il y en aura une place Clémenceau, une place de l'Hôtel de Ville, une place du Marché et une place des Promenades. Vous le savez sûrement, il y a beaucoup d'affiches hein, qui tournent, de très belles affiches hein. L'invité d'honneur cette année, ça sera San Severino pour du swing manouche, en passant évidemment par le rockabilly. Ça sera samedi 19 juin. Place de l'Hôtel de Ville, avec en première partie le Big Band de Rouen à partir de 20h15. Je crois que pour San Severino, c'est prévu pour 22h. Suivant l'expérience d'Axel Bauer, on va croiser les doigts et fort, fort, fort pour qu'il ne pleuve pas. Évidemment, beaucoup d'invités hein, donc cette année, une liste en fait trop longue pour tout vous dire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller regarder le programme sur le site de la ville de Rouen, www.rouen.fr, www.rouen.fr. Je vais quand même me permettre de vous donner quelques indications, notamment concernant des groupes pop rock hein, qu'on soutient ici dans cette émission Label Rock, comme le samedi 19, place du Marché, à partir de 18h30. Vous retrouverez Nico hein, des Wax sous la guise de Nao. Ça sera donc à 18h30. Mock vers 23h30 hein. C'est un trio rock aperçu en première partie de Nada Surf quand même, ou encore du John Butler Trio. Il y a un nouvel album qui va sortir en septembre chez Hacienda Records, donc l'occasion, l'opportunité pour vous d'écouter de nouveaux morceaux donc de Mock samedi 19, donc place du Marché, Nao 18h30 et Mock vers 23h30. Toujours le samedi 19 juin, mais on passe de la place du Marché à la place Clémenceau, avec le groupe My Name Is vers 16h, enchaîné à 18h30 avec Made in Nowhere. Et pour terminer cette belle soirée, les Golden Zip à 23h30, une affiche qui me fait penser au festoche un petit peu hein. Et puis on va terminer le dimanche 20 juin, place des Promenades, avec de la musique latine, avec le groupe Yemaya. Ça sera à partir de 16h, toujours à 16h le dimanche, du côté de la place Clémenceau, un groupe qui s'appelle Buzz Town. C'est un groupe formé en 2008 qui propose un blues teinté de jazz, de funk, de rock et de soul. Ils sont trois, il y a Hugh qui est au chant et à la guitare, Anthony à la basse et Benjamin à la batterie. Une musique aux influences multiples hein, tantôt douce, tantôt explosive. D'ailleurs j'ai reçu un mail hein, d'Anthony le bassiste, qui me dit salut Sébastien, voici quelques renseignements concernant notre venue à Rouen. Nous jouons donc le dimanche 20 juin à place Clémenceau à 16h sur la scène de la mairie de Rouen, mais également le soir à 21h au Pulp. Nous venons de sortir en février notre premier album qui a reçu un bel accueil de la profession, radio et magazine. Nous sommes d'ailleurs en mars et avril dans le top 20 des albums les plus diffusés sur les radios blues françaises, et le seul en autoproduction. Un stand sera prévu pour la vente de l'album, 12€ pour 12 titres en digipack. Et ben on va s'en écouter tout de suite un extrait de Buzz Town. Je vous rappelle donc, à partir de 16h dimanche 20 juin, dans le cadre de la fête de la musique, sur la place Clémenceau. Come back to me when you see me cry. Don't you hear me crying? Don't you wonder why? Don't you think about the days we left behind us, baby? There were days full of love and blue sky. Other days full of tears and dark clouds. Well, I know a game is over, the spell ain't driving me mad. No, I don't know what I want, girl. Don't know what I want, girl. Don't know what I want, girl. Don't know what I want, girl. Girl, I don't know what you want. The next spell is driving me mad. don't know what I want, girl. I don't know what I want, girl. I don't know what I want, girl. I don't know what I want, girl. You gotta don't know what you want, and that spell's driving me. Don't know what I want, girl. I don't know what you want, and that spell's driving me mad. Back to Me, un groupe que vous retrouverez du côté de la fête de la musique. Ça sera donc dimanche prochain, dimanche 20 juin à partir de 16h, le groupe Buzz Town. Ça sera du côté de la place Clémenceau. Pour ce groupe, je vous rappelle, formé en 2008, ils sont trois, hein, Hugh, Anthony et Benjamin. Ils vous proposeront donc un blues teinté de jazz, de funk, de rock et de soul. Il y a un premier album qui est disponible qui s'appelle Hit the Road and Play the Blues. Si vous voulez en savoir plus, sachez que comme tous les lundis, vous pourrez retrouver sur www.virginradiorouane.fr la playlist de cette émission, ainsi que la possibilité de réécouter en streaming et en téléchargement, mais aussi, et ça c'est très important, tous les liens avec les labels, les artistes et leur site internet, donc pour aller écouter du bon son. Allez découvrir donc Buzz Town, un premier album qui s'appelle Hit the Road and Play the Blues. Je vous le rappelle encore une fois, à partir de 16h dimanche prochain, place Clémenceau. Eux, ils sont 6, on les aime beaucoup dans cette émission et ils sont aimés dans la région. Ils s'appellent Golden Zip et eux, ils joueront le samedi 19, toujours du côté de la place Clémenceau, à partir de 23h30. I'm not the same, l'énergie de Golden Zip qu'on retrouvera donc dans le cadre de la fête de la musique du côté de Rouen samedi prochain, place Clémenceau à 23h30, juste avant Made in Nowhere à 18h30 et My Name Is à 16h. Voilà, place Clémenceau samedi 19 juin. Encore une fois, allez sur www.rouen.fr et allez télécharger le programme et baladez-vous donc sur les 4 sites qui sont proposés, qui vont proposer de bien beaux concerts tout au long du week-end, puisque ça va durer du 19 au 21 juin. Juste une dernière info concernant les Golden Zip. Ils seront aussi du côté de Villeurbanne, donc à Lyon, le 24 juin au CCO pour une soirée hommage à Michael Jackson. Et deux jours plus tard, ils viendront du côté du Festival Saint-Jean à Moulins-Cherrier. Mais on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine de ce deuxième édition de ce festival, donc du côté de Moulins-Cherrier. février. Ne bougez pas, restez sur le 89.4, c'est Sébastien. Je vous accompagne dans la Belle Rock jusqu'à 20h, juste le temps de s'écouter quelques messages publicitaires. La Belle Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h. 2 heures de son pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae, World. La Belle Rock, électriquement. Très satisfaisant. Virgin Radio. Virgin Radio. La Belle Rock, une émission pas comme les autres, avec des infos concernant la fête de la musique. On a parlé de la fête de la musique de Rouen, on a parlé aussi de celle de Mably qui s'est fait ce week-end. Sachez que ça sera aussi du côté de Riorges, la fête de la musique. Ça va se dérouler ce vendredi 18 juin, Riorges Centre, hein, place de la République et aussi place centrale, avec à partir de 18h la présentation des spectacles, des structures du quartier. Ça va continuer même à 20h15 avec les Enfants de la Côte, un ensemble instrumental qui nous vient de Saint-André-d'Apchon. La fête qui va continuer ensuite avec la tête d'affiche de cette fête de la musique 2010. Ça sera à 21h, place de la République, avec un groupe qui nous vient du Chili qui s'appelle Chico Trujillo. Je crois que je l'ai bien placé, Laure, si tu m'écoutes. Tout ça pour un mélange explosif de sons latins. Et à 22h30, ça va se terminer avec un concert bal guinguette, place de la République toujours, avec la guinguette à roulettes qui, elle, nous vient de Saint-Étienne. Puisqu'on parle de la fête de la musique à Riorges, hein, organisée évidemment par le service culturel de la ville. Un clin d'œil à notre ami Laure, hein, donc, qui joue ce soir avec ses copines des Cagettes. C'est à la Bénisson Dieu à partir de 20h. C'est entièrement gratuit. C'est près de l'abbaye. Ça sera sur le lieu dit du théâtre de Verdure. Voilà. Il ne pleut toujours pas. Et normalement, ça devrait bien se passer pour les Cagettes. Allez, et les applaudir donc ce soir à 20h à la Bénisson Dieu, c'est gratuit. Une autre info concernant la fête de la musique du côté de Tizi, avec un événement organisé par Karim du centre social de Tizi qui vient de nous envoyer un email. Ça va se dérouler, Sébastien, de 17h30 à 22h, samedi 19 juin, donc samedi prochain, à la salle des fêtes de Tizi, avec 4 artistes, 4 groupes au menu. Collectif Nouvelle Vague pour de la danse hip-hop, les Têtes de l'Art pour de la variétoche française. Il y aura aussi du rap raga rai avec Cartel 312 et De Chaux. Et pour terminer, un groupe, tiens, qu'on retrouve du côté de Rouen, mais qui sera aussi à Tizi, ça risque d'être chaud pour eux samedi 19, c'est le groupe My Name Is. Voilà pour toutes les infos concernant la fête de la musique. D'autres événements encore le week-end prochain, on y revient juste après ça. Baby, I'm tired. Tired of you. You never go where I want you to. Just like smoke, just like wind, you escape to the big machine. In this world, nothing's real. All you see just happens in your head, just like a The Ballad of the Big Machine, Emily Simon, extrait de son dernier album avec une version nouvelle hein, proposée ce soir dans Label Rock, puisqu'en featuring on retrouve l'immense Charlie Winston. Voilà, tous ceux qui me connaissent savent combien j'adore Emily Simon et je suis assez dégoûté parce que j'avais pas fait le déplacement du côté de la coopérative de mai. Ça devait être en avril dernier pour la sortie de son dernier album et en tout cas j'aurai l'occasion me rattraper pas plus tard que le jeudi 22 juillet, puisque Emily Simon, on la retrouvera au Festival des Nuits de Fourvière le jeudi 22 juillet, donc avec en première partie Angel and Hidden Tracks et Benjamin Biolay. Si toutes les filles pleurent, pourquoi pas moi? Si toute cette rancœur, je ne la sors pas. Et si tout à l'heure, ou demain je meurs, si tu ne m'en voudras pas. Oui, toutes les filles pleurent, qu'on le veuille ou pas. Des larmes de bonheur, des rivières de sang noir où elles se noient. Et si tout à l'heure, ou demain je meurs, moi je ne t'en voudrais pas. Au cas où tu ne saurais pas, toutes les filles pleurent, ouais, c'est comme ça. Si toutes les filles pleurent, pourquoi pas moi? Si j'ai trop bu de trop bonheur, ivre de spleen et de tracas. Et si tout à l'heure, ou demain je meurs, si tu ne m'en voudras pas. Oui, toutes les filles pleurent, si t'es dans mes bras. Que l'on soit tout en dehors, je pars toujours de très bonne heure. Et si tout à l'heure, ou demain je meurs, non je ne t'en voudrais pas. Au cas où tu ne saurais pas, toutes les filles pleurent, c'est comme ça. De mauvais draps, les larmes de leur corps qui roulent sur leur joue qui ne rit pas. Et si tout en larmes, ou demain je meurs, tu ne m'en voudras pas. Benjamin Biolay et Judith Godrèche, elle ne sera pas présente hein, le 22 juillet du côté du Festival des Nuits de Fourvière hein, qui va donc se dérouler à Fourvière du 4 juin au 31 juillet avec cette année encore des artistes prestigieux, quelques noms comme ça, Charlotte Gainsbourg, Vanessa Paradis, Iggy Pop et ses Stooges, M sera là aussi, Izia, Jacques Dutronc, bref c'est un rendez-vous incontournable chaque été avec une programmation, je vous le disais, très populaire mais aussi très spé hein, par moment, avec du théâtre, de la danse, de la musique et du cinéma, le tout évidemment sur un site exceptionnel. Donc le jeudi 22 juillet, Benjamin Biolay, un extrait, pas sur son album, hein, mais sur l'album de l'actrice hein, Judith Godrèche, extrait de cet album. Toutes les filles pleurent, disponible depuis le mois d'avril sur le label Because, une chanson que lui a écrit justement Benjamin Biolay. Parmi les autres invités du Festival des Nuits de Fourvière, parmi les autres invités qu'on adore dans Label Rock, on retrouvera l'anglais Richard Howley, l'ex-bassiste, il me semble, du groupe Pulp. Ça sera le dimanche 27 juin à 20h30. Alors ça va être franchement terrible, hein, parce que déjà qu'il fait de la pop qui est très intime, le découvrir et l'écouter comme ça dans ce site exceptionnel, ça va être terrible. Je vous rappelle que vous pouvez réserver tous vos billets en ligne sur www.nuitdefourvière.fr, ou encore une fois vous cliquez demain matin sur le lien sur www.virginradio1.fr sur l'émission Label Rock, et vous retrouverez tous les détails du festival des Nuits de Fourvière. Richard Howley tout de suite, ça s'appelle Remorse Code. Petit moment calme de l'émission juste avant de remettre les bouchées doubles. You're cold in the night, fathoms deep in regret, remorse cold, the message sent, count the cost of a force spent in those wide lines, made your eyes wide, unenlightened lies in those wide lines. Ship is wrecked with all hands lured to the reef, false lights from the land, way off course the fool sailors set, lashed to the wheel, pay the stars their debt with those white lines, made your eyes wide, unenlightened lies Morse Code, signé de l'excellent crooner anglais Richard Hawley. C'est tiré de son dernier album hein, qui s'appelle True Love's Gutter, nouveau jalon dans l'histoire de Richard Hawley, avec des chansons comme ça au long cours qui osent l'élan romantique, la déclaration amoureuse ou le spleen de l'aube. Autant j'étais dégoûté à vrai dire hein, quand j'ai appris comme tout le monde la séparation du groupe Pulp, quand j'écoute maintenant les résultats solo des membres qui ont constitué ce groupe séminal hein, Britpop anglais, et ben je me dis qu'on n'a pas forcément perdu au change. Richard Hawley, donc hautement recommandé, True Love's Gutter, dernier album. Il sera lui aussi du côté du Festival des Nuits de Fourvière. Ça sera le dimanche 27 juin à partir de 20h30. Je vous rappelle que la billetterie en ligne sur www.nuitsdefourvière.fr. Vous pouvez aussi réservez vos places par téléphone au 04 72 32 00 00 04 72 32 00 00 00 et ceci du lundi au samedi de 11h à 18h. Il est temps d'appuyer sur le champignon dans cette émission Label Rock avec Sébastien aux manettes et ceci jusqu'à 20h. certes, mais du beau bruit. Et puis une émission Label Rock sans un petit peu de bruit, bah c'est pas une émission Label Rock. Une nouveauté chez Beggars Banquet pour commencer avec les quatre garçons canadiens de Holly Fock. Nouvel album, troisième album qui s'appelle Latine. Et puis à l'instant, un groupe new-yorkais que je connaissais depuis 2 ans environ, mais que j'ai eu l'occasion de découvrir et d'apprécier en live. Enfin, quand je dis apprécier, mes oreilles ne seront peut-être pas forcément d'accord, hein. En tout cas, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était aux Nuits Sonores Lyonnaises. Nouveau maxi pour A Place to Bury Strangers. Le maxi s'appelle Ego Death, un des titres phares de leur dernier album. Un maxi où on retrouve plusieurs remixes, mais aussi un inédit en face B que je viens de vous jouer. Ça s'appelle It's Fast Driving Rave Up with A Place to Bury Strangers. Ils viennent donc de New York et j'adore ce qu'ils font. Et c'est évident qu'ils ont été biberonnés tout jeunes en écoutant des trucs comme Jesus and Mary Chain ou alors My Bloody Valentine. Noisy Rock donc avec A Place to Bury Strangers et aussi l'excellent album de Holly Fock, je vous rappelle, Latine chez Beggars Banquet. Pour tous ceux qui aiment le bruit rock, le vrai, bah sachez qu'il y a la fête de la musique le week-end prochain, mais il y a aussi une très belle manifestation du côté de Vougy près de Rouen. Tout ça pour un prix en plus de 2 €. C'est organisé par les Black Docks et ça sera donc 19 et 20 juin du côté de Vougy avec de la musique rock, du rock texan, du métal, un hommage à AC/DC, du blues aussi, et c'est la fête de la moto, des belles américaines, hein. Ça va donc du côté du stade de Vougy avec en plus des stands, une buvette, de la restauration, un bœuf et porcelé à la broche, c'est bon ça, animation, du cruising et aussi du striptease, et c'est marqué tout public, hein. Donc voilà, il faudra attendre tard pour le striptease. Donc du côté de Vougy, 19 et 20 juin, un grand merci à l'association Black Dogs de continuer à faire vivre cet excellent rendez-vous musical et aussi mécanique, hein, pour tous les fans de moto. On continue cette programmation avec une nouveauté électro sur le label Crosstown Rebels, qui a décidé de sortir un des albums les plus attendus de l'année. C'est celui de l'artiste Glimpse. C'est son tout premier album. Le titre de l'album, ça s'appelle Runner, avec au programme de l'électro bien sûr, mais avec aussi beaucoup de touches soul et jazz. Glimpse, un extrait tout de suite dans Label Rock sur Virgin Radio Rouen 89.4. Pop, rock et électro un petit peu quand même, hein. I know it, I show it. On y va, tranquille. We'll be right back. 18h-20h, Label Rock, avec Sébastien Gasse. entusiasmo, entusiasmo. Label Rock jusqu'à 20h sur le 89.4 avec une nouveauté, je vous le disais, électro fort intéressante sur le label Crosstown Rebels. L'artiste s'appelle Glimpse, premier album qui vient de sortir. Donc il va sortir un petit peu plus tard, hein, je crois que c'est à la fin du mois, voilà. Un des albums les plus attendus de l'année au point de vue house et techno. Le titre de l'album c'est Runner avec pas mal de petites touches soul, jazz comme ça. Avec par exemple ce morceau qu'on s'est écouté, I Know It, I Show It, ça me faisait penser un petit peu ce genre de traitement de voix à ce que faisait Alex Goffer, notre français, il y a quelques années de ça. Et puis à l'instant, un duo électro qui vient de Bogota en Colombie, un duo que j'ai découvert la semaine passée. L'album n'est pas tout neuf car il date de 2008 à l'origine, c'est sur le label National Records et l'album s'appelle Picotero. Le groupe, donc ce duo, s'appelle Mona Arreta. Alors je sais que c'est pas une nouveauté, mais je fais passer, j'en profite pour vous aiguiller hein, sur ce très bon duo électro. Tout l'album est comme ça, c'est franchement très rigolo, très festif, parfait pour l'été qui, j'espère, va venir s'installer hein, éventuellement sur le Rouennais. Voilà. Je vous rappelle qu'à partir de 20h du côté de la Bénisson Dieu, bah, massez-vous là-bas pour aller applaudir les cagettes. Elles n'ont pas beaucoup de dates dans la région et c'est toujours une franche rigolade hein, d'aller les applaudir. C'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs ce soir. En attendant, une autre nouveauté, un autre duo, ce coup-ci de New York, nouvelle signature chez Warp Records. Le duo s'appelle The Hundred in the Ends. Premier single Dressed in Dresden pour Eleanor et Jason. C'est disponible chez Warp. En attendant un premier maxi et surtout un album prévu à la rentrée apparemment. The Hundred in the Ends, nouveau single donc chez Warp, ça s'appelle Dressed in Dresden. Et c'est... j'aime bien, j'aime beaucoup. We'll be right back. Label Rock avec Sébastien Gasse. Label Rock avec Sébastien Gasse. Label Rock avec Sébastien Gasse. Excellent stuff there. Come on, I'll buy you a drink. Well done you. You've really, really got the hang of it. That's excellent stuff there. Come on, I'll buy you a drink. We're really glad to have you with us. I know you were struggling at first, but soon you tackled it head on, and that was quite a feat, considering. Well done you. You've really, really shown ambition here. A little rough around the edges, but who cares with an outcome like this. We're really glad to have you with us. I know you were struggling at first, but soon you tackled it head on, and that was quite a feat, considering. We're really glad to have you with us. I know you were struggling at first, but soon you tackled it head on, and that was quite a feat, considering. A Coke. A beer. Don't be shy. A Coke then. On se rapproche doucement mais sûrement de la fin de cette émission ce dimanche 13 juin. Restez bien branchés sur le 494 puisque à partir de 20h vous allez retrouver l'essentiel de la nouvelle scène française. Juste le temps pour moi de caler quelques nouveautés comme The Hundred Indians, donc premier single pour ce duo new-yorkais. Ça s'appelait Dressed in Dresden. Je vous rappelle que c'est disponible chez Warp Records, qui est un premier maxi qui va sortir incessamment sous peu, et surtout un album à la rentrée apparemment. Et puis à l'instant, après 2 ans d'écriture, d'enregistrement, de tournée, mais aussi 2 ans à changer des couches et à déménager, voici comment le groupe anglais The Chap parle de la sortie de son 4e album sur le label Loaf Records. The Chap, donc l'album s'appelle Well Done Europe. Pour la petite anecdote, le groupe londonien qui était en concert hier soir du côté du Café de la Danse à Paris avec un certain groupe, Angel and Hidden Tracks, c'était en première partie. Voilà, en tout cas l'album est fabuleux, Well Done Europe, The Chap, 12 morceaux de pop moderne comme on l'aime. Demain matin vous aurez le plaisir de retrouver Marilyn Belletête pour vos infos locales à partir de 7h30. Je vous rappelle, Virgin Radio One, c'est 4 flashs d'infos chaque jour entre 7h30 et 9h, et puis toujours autant de choses à gagner sur notre antenne, donc soyez présents. La semaine prochaine on parlera dans cette émission du festival V vue sur le monde. Ça sera le 26 juin à partir de 18h30 à la salle Fontalon de Rouen. 6 heures de concert pour une très belle association qui s'appelle Vue sur le Monde. L'intégralité des bénéfices sera reversée pour la construction d'un nouveau lieu de vie pour des enfants des rues en Inde, avec du beau monde, hein. Big Bear sera là, Alan Stoker Memorial Club, les Arcandiers, ainsi que les Touffes Chrétiennes, qui comprend notamment des membres d'Hurlement de Léo, les fils de Tepu, les Chevals, Raoul Petit, Babylon Circus, enfin bref, ou encore les Têtes Raides. Voilà, ça sera donc à Rouen, le festival Vue sur le Monde, le 26 juin. Nous, en attendant, je vous souhaite d'aller du côté de la Bénisson Dieu à 20h, ça va commencer. Vous amuser avec les cagettes et finir de bien belle manière ce week-end un petit peu gris, un petit peu tristouné comme ça, mais chaud dans le cœur, ça c'est sûr. Et puis passez une excellente fête de la musique, que vous soyez artiste ou alors tout simplement spectateur, profitez-en, tout est gratuit, laissez-vous aller à votre guise et profitez de la musique. Voilà, Label Rock, c'est terminé pour aujourd'hui, on va se quitter, on va mettre le cap du côté du nord, au pays des 10 000 lacs. Le pays s'appelle la Finlande, un groupe composé de 8 Finlandais qui s'appelle Rubik. L'album s'appelle Data Bandits, il sortira chez Talitres le 5 juillet prochain, avec la bonne nouvelle, une tournée française qui est prévue à l'automne. Rubik, Fire Edge, donc extrait de ce premier album chez Talitres le 5 juillet. Je vous dis ciao et à la semaine prochaine, 18h-20h. Soyez sages, mais pas trop. Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h. 2 heures de son pas comme les autres.